Donc, en 1896, Madagascar devient colonie française. La population européenne venant alors s'installer dans l'île est relativement nombreuse, et la région centrale, qui nous intéresse ici, concentre l'essentiel de celle-ci, en particulier à Tananarive, la capitale. Madagascar est en outre une colonie où les unions mixtes, c'est-à-dire entre Européens et Malgaches, sont relativement courantes, qu'il s'agisse de mariages réguliers ou de concubinage. La grande majorité des métis est cependant née de relations hors mariage. Or, l'existence de cette population métisse constitue pour les autorités coloniales une menace potentielle à l'encontre du prestige du colonisateur et donc de l'ordre colonial. La situation des enfants métis et surtout la question de leur devenir devient rapidement une préoccupation des autorités coloniales. Mais il existe une tension entre le projet éducatif à destination des métis élaboré par le pouvoir et la présence importante de la famille malgache dans l'entourage de ces derniers. Dans cette communication, nous nous attacherons donc à montrer comment l'entourage malgache des enfants métis, et plus particulièrement les mères, a interféré avec le projet colonial, contrebalançant l'objectif d'en faire des Européens par un attachement intime à Madagascar. Nous verrons pour cela dans un premier point que la prise en charge des métis à Madagascar est demeurée limitée, puis nous montrerons comment cela est à la fois le résultat et la cause de l'investissement de l'entourage malgache dans les trajectoires des métis. Confrontés à l'apparition d'une population métisse qui les inquiète, les autorités coloniales élaborent une réponse à ce qu'elles appellent la question des métisses. C'est le terme employé à l'époque. L'enfance des métisses est alors considérée comme le moment charnière qui oriente leur trajectoire et décide de leur destin, mais elle est aussi pensée dans une tension entre hérédité et éducation. Cette hésitation reprend d'ailleurs les termes du débat qui avait opposé les anthropologues sur la question du métissage. La question était alors de déterminer si le métissage avait des effets bénéfiques ou négatifs sur l'espèce humaine. La situation des métis est ainsi perçue comme une situation instable dont le devenir n'est pas fixé. Bien que dans l'image stéréotypée du métis, son hérédité, entendue comme celle de son parent malgache avant tout, menace à tout instant de refaire surface, il n'en demeure pas moins que le pouvoir, confiant dans ses projets d'ingénierie sociale, estime qu'il peut agir sur le futur des métis en les plaçant dans un milieu adéquat, sous-entendu en les retirant de leur famille malgache. La prise en charge des enfants métis est donc nécessaire selon les autorités coloniales et morales de Madagascar, dans un double objectif. Leur octroyer une situation matérielle correcte et les éduquer dans le but d'en faire de bons auxiliaires de la colonisation. Cette rhétorique se retrouve quelle que soit la colonie, et là je renvoie aux travaux de Stoller, Firpo, Owen White, Emmanuel Saada ou Licia Jurissen sur des espaces différents. Donc cette rhétorique se retrouve quelle que soit la colonie en des termes extrêmement proches. La question qui se pose est celle de l'influence du milieu et de l'hérédité sur le devenir des métis. Les enseignements qui sont dispensés aux métis lorsqu'ils sont enfants sont donc perçus comme primordiaux et déterminants. Les autorités coloniales dirigent en priorité leur action vers les métis non reconnus et non entretenus par leurs pairs européens. Pour justifier leur action, elles décrivent l'entourage malgache des métis comme néfaste et ne permettant pas que ces derniers soient élevés de manière satisfaisante. Elles soulignent à plusieurs reprises l'incapacité des mères malgaches à être de bonnes mères. On peut d'ailleurs relever une certaine contradiction avec des propos, notamment dans des travaux ethnographiques, qui, à l'inverse, louent l'amour maternel des mères malgaches pour leurs enfants. Paradoxalement, un des arguments des autorités coloniales pour décider de la forme de la prise en charge des métis sera à la fois cette incapacité des mères à prendre soin de leurs enfants, incapacité prétendue, et la volonté de respecter le droit des mères. Les mères malgaches jouent donc ici un rôle passif dans l'élaboration de la solution apportée à la question des métis. Elles sont en effet prises en compte par les autorités coloniales, que le respect de leurs droits soit brandi comme argument pour limiter la prise en charge des métis, ou bien que leur incapacité prétendue à être mère soit le prétexte à cette même intervention. Une fois posé le principe de la prise en charge des métis, ou du moins d'une partie d'entre eux, survient la question des moyens d'intervention. Au Sénégal, le soin en est dans un premier temps laissé à des missions religieuses, puis les métis sont l'objet d'une politique officielle de l'AOF. En Indochine, les deux premières décennies de la présence française, les congrégations religieuses recueillent les métis abandonnés, puis, dans un second temps, les autorités coloniales octroient des subsides aux mères de métis et, enfin, collaborent avec diverses œuvres de bienfaisance en les subventionnant. À Madagascar, de même, dans un premier temps, des secours sont accordés aux mères de métis, mais les autorités estiment qu'ils sont mal utilisés. Aussi, elles décident de subventionner trois œuvres. Une œuvre laïque, la Société d'assistance et de protection de l'enfance, qui sera à l'origine de l'école des enfants métis, et deux œuvres catholiques, les Paulins, tenus par les jésuites à destination des garçons, et son pendant pour les filles, dirigé par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. L'intervention du pouvoir colonial reste donc indirecte et limitée, surtout lorsque l'on compare la situation malgache à celle d'autres colonies françaises, Indochine et AOF notamment, ou étrangères, le Congo belge par exemple. Le pouvoir légitime la prise en charge des métis par leur soi-disant abandon. Les métis sont souvent perçus comme des individus isolés. Un petit fascicule rédigé pour collecter des fonds est à ce titre emblématique puisqu'il s'intitule « Les 100 familles ». De même, les dossiers de candidature à la citoyenneté établis par l'administration dessinent des individus à la marge ou fréquentant peu de personnes en dehors du cercle familial souvent restreint. Le pouvoir tend ainsi à assimiler enfants métis non reconnus et enfants abandonnés, bien que dans la majorité des cas, en réalité, seul le père est absent. Et si la mère se sépare de ses enfants, c'est le plus souvent car elle ne peut subvenir à leurs besoins, réduite à l'indigence et parfois écartée de sa famille. Ainsi, par exemple, de la mère de Gédé, elle est employée comme femme de ménage par un militaire français et, dont elle a deux fils au début des années 1950. Lorsque le père quitte Madagascar, faute de moyens de subsistance, elle les confie à l'œuvre des Paulins, donc l'œuvre tenue par les jésuites à destination des métis. Les œuvres qui recueillent les métis ont donc pour objectif de leur recréer une famille. On peut cependant noter qu'un certain nombre d'enfants métis ont été totalement pris en charge par leur famille malgache. Né en 1901, Louis Rakoutmalal, fils d'un officier supérieur français qui ne peut le reconnaître car déjà marié en France, est pris en charge par sa mère et l'époux malgache de celle-ci. Il ne faut pas non plus oublier que certains parents choisissent sciemment de remettre leurs enfants métis à des œuvres spécifiques, espérant tirer un bénéfice de cette stratégie. Et si les institutions spécialisées dans l'accueil des métis ont eu moins de poids qu'en Indochine ou en AOF notamment, et ont reçu moins d'appui du gouvernement général, c'est peut-être en partie à cause de la présence de la famille malgache auprès des métis. En particulier, un certain nombre d'enfants métis ayant été délaissés par leur père européen, leur mère malgache joue un rôle déterminant dans leur éducation. Certaines mères interviennent ainsi dans les choix de scolarisation de leurs enfants. Ainsi de l'exemple à suivre. Confiée à la Société d'assistance et de protection des enfants métis sur les recommandations d'un locataire de sa grand-mère, lui-même métis, une fillette métisse est aussitôt prise en charge par la directrice de l'œuvre. Cette dernière conseille à la grand-mère de la laisser à l'internat, car ses progrès seront ainsi meilleurs. Mais une fois cette démarche faite, la fillette n'a plus le droit de voir sa famille malgache, voit son prénom malgache changer en prénom français, et s'entend répéter qu'elle est française et n'a pas de famille malgache. Sa grand-mère dépose alors une plainte auprès du commissariat central de Tananarive en 1936, car elle souhaite voir sa petite-fille. La volonté de la grand-mère malgache de cette fillette métisse vient ici contrecarrer le projet colonial. La scolarisation des enfants est en outre un réel investissement pour leurs parents. En dehors de l'école des enfants métis et du soutien aux institutions les recueillant, le pouvoir colonial n'a entrepris aucune action globale destinée à favoriser la scolarisation des métisses. C'est donc aux parents que revient l'essentiel des initiatives prises en vue de favoriser le parcours de leurs enfants. Il est certain que l'absence du père prive la famille de ressources et par conséquent des moyens financiers pour accéder à une meilleure éducation. Ainsi, la fin du financement de leurs études par leur père, parce qu'il est mort, parce qu'il est retourné en France ou parce qu'il a épousé une Française plutôt que sa concubine malgache, contraint certains métis à interrompre leur parcours. Certaines familles sont tout de même parvenues à pallier l'absence du père et à offrir à leurs enfants une scolarisation avancée, que ce soit donc en les plaçant dans les institutions de métis, en mobilisant la famille malgache ou bien en demandant des bourses. C'est par exemple le cas, en octobre 1926, de la tante d'un orphelin métis qui sollicite le directeur du service de l'enseignement afin que son neveu puisse fréquenter l'école européenne. Le rôle des parents, et plus particulièrement des mères, est ici primordial. Ce sont elles qui saisissent le pouvoir colonial afin de placer leurs enfants dans les meilleurs établissements de la colonie, jouant ainsi le jeu du reclassement des métis. Cela montre d'ailleurs une certaine connaissance et proximité avec le monde des colonisateurs, puisque les mères savent à qui s'adresser et comment manier la rhétorique du métissage pour être efficace auprès du pouvoir colonial. Une de mes interlocutrices, dont le père est inconnu et dont la mère a été mise à l'écart de la famille, a malgré tout été scolarisée dans des établissements européens. C'est bien la volonté et la détermination de sa mère qui ont décidé de son avenir scolaire, mais aussi son origine sociale, puisque cette dernière est issue d'une famille déjà sensibilisée à l'importance des enjeux scolaires, la scolarisation étant ancienne à Madagascar. Enfin, les femmes malgaches dans l'entourage des enfants métis, mères, grand-mères, nourrices, domestiques, participent de leur éducation sentimentale et sont alors le lien intime qui les unit à Madagascar, et ce d'ailleurs même pour les métis dont le parent européen est présent. Nous avons vu que la majorité des métis étaient des enfants non reconnus. Si cela est parfois la volonté du père européen, certaines mères s'opposent aussi à la reconnaissance de leur enfant. Plusieurs témoignages font état des inquiétudes de ces dernières. Elles craignent que le père, après avoir reconnu l'enfant, ne reparte en France avec celui-ci. A.A. raconte que sa grand-mère maternelle, née d'un Corse et d'une Malgache, n'a pas été reconnue. En effet, le père souhaitait ramener son enfant avec lui en Corse, mais la mère s'y est opposée. Le premier a accepté, mais à la condition que sa fille soit éduquée dans la religion catholique, alors que sa famille malgache était protestante. Elle a toutefois grandi au milieu de celle-ci. Et les larges maisonnées sont alors le lieu privilégié d'accès à la culture malgache pour les enfants métis. Alors que l'accès à la culture européenne s'opère en partie par le biais de la scolarisation, le cercle familial permet à l'inverse d'accéder à la culture malgache, au quotidien et dans un lien intime. Le rôle des nénènes est ici essentiel. Ces dernières sont des nourrices à qui les enfants sont confiés. La pratique est courante parmi les familles malgaches de la petite bourgeoisie. Et sous la monarchie mère, donc avant la colonisation, le soin des enfants était dévolu dans certaines familles à ces nourrices, parfois des femmes esclaves. J.L., née en 1931 de parents métis, se souvient ainsi de manière émue de sa nénène. Cette dernière était une orpheline originaire du sud des Hautes-Terres. J.L. et ses frères et sœurs lui ont appris à lire. En échange, elle leur a parlé des pamoussaves, des matoutes et des vazimbas, qui sont des figures importantes de l'imaginaire malgache. J.L. fréquentait par ailleurs le lycée Jules Ferry, lycée destiné aux jeunes françaises et aux malgaches citoyennes. C'est par une socialisation institutionnalisée, l'école, qu'elle a en partie accès à la culture française. L'intimité du cercle familial et la proximité avec sa nénène lui ouvrent au contraire les portes de la culture malgache. La fréquentation de sa grand-mère maintient quant à elle le lien avec le village ancestral malgache, essentiel dans la société merne. En conclusion, la prise en charge des enfants métis à Madagascar est restée limitée et indirecte. Cela est à la fois le choix délibéré des autorités coloniales, mais aussi le résultat d'un état de fait, à savoir la présence importante pour de nombreux métis de la famille malgache. Celle-ci vient ainsi parfois contrebalancer les projets coloniaux à destination des métis, que ce soit en pariant sur des choix scolaires hors des institutions pour les métis, ou bien en refusant que ces enfants leur soient retirés. L'entourage féminin des enfants nourrit en outre un lien intime à Madagascar qui échappe totalement au pouvoir. C'est souvent par ce lien entretenu par les mères ou les grand-mères malgaches que se crée finalement l'identité malgache d'un certain nombre de métis. Merci.